Chapitre 31e Voix et chemin. Quand William arriva au château de Deofam, il trouva Henry seul dans le salon, étendu sur un sofa près de la fenêtre ouverte. « C'est bien, » cria-t-il à William qui entrait. « Le patron était bien sage de t'envoyer, et toi de venir. »« Tu n'as pas l'air bien aujourd'hui, » observa William. « Ton front a repris ses rides d'autrefois. »« Oui, grâce à ma hanche, qui me cause d'affreuses douleurs. » Qu'est-ce donc que cette rumeur sur Robert Dare? Se confirme-t-elle? Pas tout à fait. C'est Winter qui m'en a fait part. Le capitaine Chambers est venu cet après-midi à la manufacture et... Il nous en a aussi parlé. Je suppose que c'est vrai, dit Henry. Je voudrais savoir si Annaline prendra le deuil pour lui, ajouta-t-il d'un ton sarcastique. Les Quakers ne portent pas le deuil. Comme tu me regardes, William. Crois-tu que je ne suis pas guéri? Il y a des années de cela. Tu n'aurais aucune peine à voir Anna se marier. Elle peut parfaitement se marier, qu'est-ce que ça me fait? Tu peux la prendre pour toi si tu veux, je serai ton garçon d'honneur. Cette alliance te ferait-elle plaisir? Henry se mit à rire. Tu mérites qu'on te pende, si tu entames ce chapitre, voilà tout. Tu ne sais donc pas qu'on me marie aujourd'hui? Et avec qui? Avec Sophie Glenn. Avec Sophie Glenn? Avec Sophie Glenn. Chambers m'a gravement assuré que Stanley avait déjà conclu le mariage pour moi. Il trouve que je pourrais faire beaucoup plus mal, et M. Ashley m'a dit la même chose. « Et toi, qu'en dis-tu ? » fit Henry en se redressant brusquement sur son sofa. « Moi, oh, j'y réfléchirai. » À ce moment, Marie apparut sur la terrasse, une corbeille et les ciseaux à la main. Henry l'appela. « Veux-tu cueillir des fleurs ?»« Oui, maman a fait jeter les autres qui se fanaient. » Apercevant alors William, elle le salua en rougissant. « Dis donc, Marie, il est venu nous apporter des nouvelles, » reprit Henry. « Devine !» À propos de Herbert Dare, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Il s'agit de lui, William, qui va devenir un personnage respectable en épousant Sophie Glenn. Il est venu nous l'annoncer. Ne coupe pas trop de ce ringard! Il parfume trop la chambre. Marie s'éloigna. William était fort ennuyé. Tu es plus dangereux qu'un enfant, s'écria-t-il. Pourquoi tu dis cela? Et Henry, en véritable enfant, se renversa en arrière en riant de tout son cœur. Dis donc, camarade, où t'en vas-tu? Cria-t-il en voyant William sortir du salon. Cueillir ces fleurs pour ta sœur, c'est tout simple. Mais quand William rejoignit Marie, elle avait apparemment oublié sa commission. Debout et appuyée contre le tronc d'un acacia, elle était pâle et immobile, et sa corbeille gisait à terre. À l'approche de William, elle voulut s'enfuir, mais William, à peine moins agité qu'elle, lui prit la main. Je ne suis pas venu annoncer à votre frère cette nouvelle, murmura-t-il. Je suis venu pour solliciter la main de quelqu'un, mais ce n'est pas de Sophie Glenn qu'il s'agit. Marie, vous n'avez pu vous méprendre sur la nature de mes sentiments. Mais, papa, balbutia-t-elle incapable de réprimer son émotion. Il la regarda, la força à le regarder. Quelle clarté brillait donc dans ses yeux si profonds et si aimants, et faisait battre le cœur de Marie. Monsieur Ashley m'a envoyé vers vous. Lui dit tout bas, William. Henry attendait et s'impatientait. Pas de William, pas de Marie, pas de fleurs, rien. Dormaient-ils tous les deux? Il se leva et prenant sa canne, alla en boitant à leur recherche. Mais il chercha en vain dans le jardin. Dans un sentier abrité, marchant lentement et tout près l'un de l'autre, ils étaient tous deux trop occupés d'eux-mêmes pour faire attention à qui que ce soit. La corbeille vide gisait toujours sur le terrain. Eh bien, vous êtes fameux tous les deux. Commença Henry en ouvrant les yeux avec étonnement, et les fleurs. Marie allait s'enfuir, mais William le retint et la conduisit vers son frère. Il essaya de parler en plaisantant, mais sa voix trahissait son émotion. « Henry, sera Sophie Glenn ou ta sœur ? Oh, vous avez arrangé l'affaire entre vous ? Je ne voudrais pas être de vos souliers, mademoiselle Ashley, quand les foudres maternelles descendront sur vous. Est-ce donc pour cela que vous avez envoyé promener le baronnet ? Je te demande où sont les fleurs, et je voudrais une réponse. Je vais les cueillir, dit William. Veux-tu venir? Et il tendit son bras à Henry. Non, répondit Henry, en s'asseyant sur un banc. Il faut d'abord que je m'en remette de cette émotion. Vous pourrez bien les cueillir sans moi. Marie et William s'en allèrent ensemble vers les plates-bandes, mais avant qu'ils eussent marché longtemps, Henry se mit à les rappeler. Marie, Marie, avant de te lier irrévocablement, j'espère que tu songeras que tu n'épouses là qu'un misérable manufacturier. Quelle chute pour celle qui aurait pu être Madame la Baronne Marr. Il était dans un de ses plus violents accès d'ironie, signe assuré de sa satisfaction intérieure. Ce mariage avait été son espérance depuis bien des années, mais il s'était toujours tenu dans le silence. Tandis qu'il réfléchissait, il entendit le bruit des roues du cabriolet. Faisant un détour, il alla au-devant. M. Hachelet tendit les rênes à son groom, sauta hors de la voiture et offrit son bras à Henry. « Comment es-tu maintenant ?»« Mieux, mon père, je n'ai pas trop à me plaindre. »« Je croyais que William était avec toi. N'est-il pas venu ?»« Oui, il est venu, mais je ne suis que le second pour lui maintenant. Mademoiselle Marie est la première. »« Ah, vraiment ?» fit M. Hachelet. « Ils sont allés je ne sais où, sous prétexte de cueillir des fleurs. Mais je ne crois pas que les fleurs soient leur but principal. » Il jeta un regard sur son père, mais il n'y lut rien, et il entra directement dans le sujet qu'il avait à cœur. « Père, vous ne vous opposerez pas à leur bonheur ? » s'écria-t-il. « Ce serait un tel chagrin pour eux. Laissez-la lui. Il n'y a pas d'homme au monde qui en soit aussi digne. » M. Hachelet se taisait toujours. Henry continua. « Il y a longtemps que je vois que Halliburton cache ses sentiments. Je crois qu'aujourd'hui, il n'a plus pu se maîtriser, car il lui a évidemment parlé. Mon bon père, ne rendez pas d'eux des meilleures âmes du monde malheureuses en leur refusant votre consentement. »« Henry, » dit M. Hachelet en se tournant vers lui avec un sourire, « crois-tu donc William Halliburton capable d'avoir parlé sans mon consentement ?» Les joues pâles de Henry se colorèrent. « Le lui avez-vous donné ? Le lui avez-vous déjà donné ? » répéta-t-il. « Je le lui ai donné aujourd'hui. Je lui ai bien fait avouer son attachement pour Marie. Je ne lui ai pas dit en toutes lettres qu'il l'aurait, mais je lui ai dit qu'elle déciderait elle-même. En ce cas, il n'y a aucun doute, car j'ai bien vu aussi de quel côté s'en allait l'amour de Mademoiselle Marie. Oh, vous m'avez immensément soulagé, mon père. Depuis une heure, je n'ai vu que perplexité et tuteur dur et rebelle. Ah, vraiment ? » repartit M. Hachelet. « Tu aurais dû avoir un peu plus de bon sens, Henry. » « Mais je craignais, mon père, que ce fût vous qui n'en eussiez pas, » répliqua Henry avec sa franchise accoutumée. « Tu ne me comprends pas. Si j'avais vu d'insurmontables empêchements à ce mariage, crois-tu que j'aurais assez manqué de prudence et de prévoyance pour permettre un attachement de mûrir ? J'ai vu depuis longtemps qu'il n'y avait pas un homme dans le cercle de nos connaissances qui fût aussi digne de Marie, sauf sous le rapport de la fortune. C'est pour cela que je t'ai laissé venir ici. » En ayant les yeux ouverts sur le résultat probable, je pardonnerai à toute jeune fille qui aurait pris de l'affection pour William Halliburton. Et comment feront-ils pour vivre ? La part de William dans les bénéfices sera augmentée, et Marie n'ira pas à lui sans lui apporter quelque chose. Ils auront demeuré dans notre maison de Helstonleigh, et quand nous aurons besoin d'y aller, nous serons leurs pensionnaires. Ce sera la réalisation de mes rêves, dit Henry d'une voix basse et émue. Je les y voyais en imagination et j'étais avec eux. Vous avez fait ce plan autant pour moi que pour eux, père. Pas positivement, Henry. Je n'ai pas fait de plan. J'ai laissé les choses suivre leur cours. Tu seras plus heureux, mon garçon, que si elle nous avait quittés pour devenir Lady Mar. Oh, si jamais je me suis senti disposé à écraser un homme, c'était bien ce Mar. Vous savez bien que je ne suis jamais parvenu à être poli avec lui. On ne peut répondre de la vanité des filles, et j'avais grand peur qu'il ne coupe pas l'herbe sous les pieds de William. Mais que va dire notre mère ? « Votre mère sera partagée, » répondit M. Hachelet avec un sourire. « Elle aime William, mais elle aime aussi les titres. Nous lui laisserons un jour ou deux pour prendre son parti. Je vais aller lui annoncer la nouvelle si Marie ne l'a pas fait. »« Marie est avec son amoureux, » répliqua Henry. « Elle ne peut déjà pas s'être arrachée d'auprès de lui. » Mais Marie n'était pas avec son amoureux. Comme M. Hachelet traversait le vestibule, il la rencontra. Elle s'arrêta en hésitant et rougit vivement. « Eh bien, Marie ?» « Je t'ai envoyé un candidat, en dépit de tes ordres express. Ai-je bien fait ?» Marie fondit en larmes. M. Hachelet l'attira à lui. « Dieu bénisse ton ami et le sien, mon enfant. »« J'ai peur de maman, » sanglota-t-elle. « Je crois qu'il sera très fâché. Je ne pouvais pas m'empêcher de l'aimer. Mais c'est l'excuse même qu'il m'a donnée. Je ne puis pas non plus m'empêcher de l'aimer, moi, Marie. C'est ce que je m'en vais dire à maman. » Madame Hachelet ne reçut pas très paisiblement la nouvelle. Comme l'avait prévu M. Hachelet, elle se trouvait partagée entre son affection pour William et son ambition d'un titre et d'une fortune. Refuser une position telle que l'aurait faite une union avec Sir Harry Mar, fit Mme Hachelet en soupirant. « Si elle avait épousé Sir Harry, nous l'aurions perdue, » observa M. Hachelet. « Comment perdue ? Sans doute. Elle sera allée dans sa nouvelle demeure à 5 ou 6 lieues d'ici, dans une autre famille, et sauf une visite pour la forme de temps à autre, elle aurait été perdue pour nous. » tandis que nous la garderons et qu'elle habitera notre ancienne maison. Oui, il y a beaucoup à dire des deux côtés. Avoue à Madame Ashley, qu'en pense Henry? Il prétend que j'ai fait ce plan pour assurer son bonheur à lui. Si Marie avait fait un autre mariage, quand nous aurions quitté ce monde, nous aurions dû laisser Henry seul. Mais ainsi, nous le leur laisserons. Toutes choses sont sagement ordonnées, en ceci comme en tout. Ajouta intentionnellement M. Ashley. Acceptons-les, Marguerite, et sachons en être reconnaissants. Madame Ashley alla chercher William. Vous serez un bon mari pour elle, lui dit-elle avec agitation. Vous prendrez soin d'elle, vous l'aimerez. De toutes les forces de mon âme, répondit-il avec ferveur en prenant les mains de Madame Ashley dans les siennes. C'était un heureux groupe que celui réuni ce soir-là au château de Deofam. Henry était installé complaisamment sur son sofa, Marie à côté de lui, William s'appuyait contre le dossier. Monsieur et Madame Ashley étaient assis ensemble, hors de la portée de leur voix. Avez-vous entendu ce qu'a dit le patron ? Demandait Henry. Il pense que vous faites votre marché par pure complaisance pour moi. Vous devez savoir, monsieur William, que quiconque prend Marie me prend. J'y consens de tout mon cœur. C'est fort heureux. Et savez-vous où vous irez demeurer ? William secoua la tête. Vous devez comprendre combien ces considérations m'importent peu, répondit-il en regardant Marie. Vous irez dans notre ancienne maison de Helstonleigh. Elle deviendra la vôtre par quelques procédés de notaire. Le patron y avait l'œil sans doute quand il refusait d'en noter les meubles. Lors de notre installation ici, la maison sera à vous, mais j'y demeurerai tant que je voudrai, et je pourrai vous grogner à tous les deux à cœur joie. Qu'en dites-vous, monsieur William ? Je ne lui demande rien à elle, elle ne compte pour rien du tout. Je puis seulement te répondre que plus tu y viendras, plus nous en serons contents, et nous supporterons parfaitement tes boutades. J'en suis fort aise, du reste, tu dois y être accoutumé depuis le temps que ça dure. Ainsi, rappelez-vous que mon ancien appartement doit rester tel quel et que je compte être le tourment de votre existence. Après, puisse ce temps ne venir que bien tardivement. On dira, je suppose, que voilà M. Liberton de Deofam. Quelle bêtise, Henry ! Des bêtises ? Et si je veux te le léguer ? Tu voudrais donc me voir rester ici tout seul en but à l'admiration de mon dindon ? Qu'est-ce que vous avez tous les deux ? Si vous dédaignez Deofam, il ne sera jamais à vous. Je le laisserai au premier petit singe qui nous viendra. Et faites-y bien attention. Je veux qu'on l'appelle Henry, et je serai son père et il sera à moi. Et non pas à vous. J'en ferai ce qui me plaira. Il y en aura une vingtaine que je les gâterai tous tant que je voudrai. Qu'y a-t-il donc ? S'écrie Madame Ashley en apercevant une grande agitation sur le sofa. Marie réussit à se dégager et se rapprocha de sa mère, la figure toute rouge. Maman, je crois que Henry perd la tête. Il dit tellement d'absurdités. Des absurdités ? Ai-je rien dit d'absurde, William ? William se mit à rire. Henry tendit les deux mains et s'empara de celles de William. C'est vrai ce que dit Marie, que je perds la tête, je deviens fou de joie. Cependant, la nouvelle de la mort de Herbert Dare se trouva démentie.